Dès 7 heures du matin, elle m'apportait elle-même une tasse de chocolat. Je n'avais jamais bu de pareil. Un chocolat à s'en faire mourir. Moelleux, velouté, parfumé, grisant. Je ne pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de sa tasse. À peine la jeune fille était-elle sortie que Rivet entra. Il semblait un peu nerveux, agacé comme un homme qui n'a guère dormi. Il me dit d'un ton maussade: Si tu continues, tu sais, tu finiras par gâter l'affaire de ce cochon de Morin. À 8 heures, la tante arrivait. La discussion fut courte. Les braves gens retiraient leur plainte et je laisserai 500 francs aux pauvres du pays. Alors, on voulut nous retenir à passer la journée. On organiserait même une excursion pour aller visiter des ruines. Henriette, derrière le dos de ses parents, me faisait des signes de tête. Oui, restez donc. J'acceptai, mais Rivet s'acharna à s'en aller. Je le pris à part, je le priai, je le sollicitai, je lui disais: Voyons, mon petit Rivet, fais cela pour moi. Mais il semblait exaspéré et me répétait dans la figure: J'en ai assez entendu de l'affaire de ce cochon de Morin. Je fus bien contraint de partir aussi. Ce fut un des moments les plus durs de ma vie. J'aurais bien arrangé cette affaire-là pendant toute mon existence. Dans le wagon, après les énergiques et muettes poignées de main des adieux, je dis à Rivet: Tu n'es qu'une brute. Il répondit: Mon petit, tu commençais à m'agacer bourrement.